l'impossible retour au passé. En préambule, les bas font les hauts au bas. En conséquence, dénude, les quatre tableaux. Dénude les contrefaçons des voiles. Les hauts et les bas, les bas en haut. Et si le corps était seul comme cadre pour entrevoir le peu d'illusions. Table, annonce qui se sait. On ne réapprendra pas à se noyer dans un verre. Pour tenter de répondre. D'ailleurs, sans fleurs, l'éruption, l'immense perçue du dehors, du peut-être. Façon.